BR Métal, avec 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de Olbeau-Mistassini. On va parler de hockey avec notre ami David Lamontagne du hockey mineur de Olbeau-Mistassini. La chronique est une commandite de BR Métal. Salut David! David, on va faire, je sais que le bilan va se faire très très bientôt, là, mais on va quand même faire un petit bilan, là. On va le faire plus la semaine prochaine, mais on avait dit à peu près 12 000 $, puis on se dirige vers ça à peu près, hein? Oui, pour la match des Sacs, tu parles? Oui, c'est ça. Oui, environ, oui. On va plus faire le bilan la semaine prochaine, mais oui, c'est environ ça, là, avec la commandite de la caisse des caisses populaires des Jardins. Okay. On parlait d'un montant environ de 12 000 $. OK, donc c'est vraiment une belle entente. C'est vrai, ça a été un succès sur toute la ligne. Bravo à toutes les organisations. J'ai parlé à Richard Letourneau, président des SAGs. Ils étaient très heureux également. Pour eux, ça va devenir une classique aussi, là. Ben, nous autres, on l'espère. c'est sûr que ça fait notre affaire. Oui. On a bien aimé l'expérience. Je pense que tout le monde qui a assisté au match a bien aimé leur expérience aussi. David, à la fin de la journée, là... Quand on compare, organiser un tournoi de hockey, puis organiser... Ben, je pense qu'on avait parlé dans des chroniques aussi, là, puis organiser... Mais puis organiser un match des SAG, rapport qualité, c'est beaucoup d'ouvrages les deux, mais qu'est-ce qui est le plus payant, qu'est-ce qui est le plus rentable? Bon, c'est sûr, plus payant, plus rentable. Si on parle des tournois, oui, il faut que ça rapporte l'argent au hockey. C'est avec ça que le hockey mineur fait ses frais, mais en même temps... Les tournois pensent aussi aux jeunes, tu sais, de rendre ça intéressant pour les jeunes. Ils en donnent beaucoup aux jeunes. Là. Okay. Je pense que pas mal tous les tournois de notre hockey mineur, la priorité numéro un, oui, c'est ramasser des fonds, mais je pense qu'en premier lieu, c'est les jeunes. C'est sûr. Le jeune, quand il vient au tournoi d'Olbeau-Mistassini au Normandin, ben il repart chez eux en ayant des bons souvenirs. C'est un petit peu un mélange des deux. C'est sûr que c'est différent avec le match des Sacs. Le match des Sacs, c'est plus un événement. C'est plus court comme préparation. Ouais. En même temps, c'est juste un match. OK. Donc, bravo. On va savoir plus la semaine prochaine. Maintenant, si on parlait, David, de la clinique d'arbitre qui a eu lieu récemment, est-ce qu'il y a eu pas mal d'arbitres? En fait, la semaine passée, il y a eu ça, il y a eu la clinique. Oui, il y a quand même quelques nouveaux arbitres. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont aller. Je pense qu'on va en avoir une clinique aussi à Saint-Félicien. Je sais qu'il y a beaucoup d'arbitres de Boum-Sassini, Normandin. Le Normandin, c'est sûr que ça serait apprécié s'il y en a qui sont intéressés de communiquer avec Luc Tremblay, responsable des arbitres pour notre hockey mineur. C'est sûr qu'il y a un besoin à Normandin. Il y a quelques nouveaux aussi à Olbeau-Mistassini qui s'en sont inscrits. On va sûrement avoir des nouveaux arbitres. Okay. Il y a aussi les formations chronomètres pour chronomètreurs. Hein. Oui. Je pense qu'il y a lieu en fin de semaine prochaine. C'est surprenant pareil hein, que vous réussissez à avoir encore des arbitres. Est-ce qu'il en manque pas mal ou généralement vous êtes quand même pas pire? Je te dirais qu'il en manque pour les calibres un petit peu plus élevés. Là, OK. Il manque des arbitres un petit peu plus âgés, un petit peu plus d'expérience. C'est sûr que les jeunes, quand ils partent aux études, ben on les perd. Hein. Ouais. Fait que c'est là que c'est un petit peu plus difficile pour garder nos arbitres. Hein. OK. Est-ce que... un gars peut aller sur ça, un bon revenu, là, comme un deuxième revenu, un mot sideline, là. C'est quand même intéressant. Oui, il peut aller chercher 150-200 pièces par semaine. Hein. Ben, moi, je pense que c'est sûr que c'est pas le montant que les jeunes se font en moyenne, mais tu sais, On parle de, aussi arbitrer d'un ligue de garage. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est un bon, d'après moi, c'est un bon sideline. OK. David, y a-t-il d'autres choses à mentionner? Les ligues commencent bientôt, j'imagine. Pour ce qui est du double lettre, les équipes sont formées. Ouais. Je sais que pour le Bantam et le Midget, les saisons commencent en fin de semaine. Le Bantam 2B joue un match en fin de semaine. Le Midget 2B joue deux matchs en fin de semaine. Hey. Pour les équipes atomes, puis oui. Double lettre, je pense que c'est la fin de semaine d'après que la saison commence. Puis là, présentement, on est dans les formations des équipes simple lettre. OK. Les pré-novice-novice, catégorie pré-novice-novice, ça a commencé en fin de semaine passée. C'est commencé en fin de semaine, l'aréna de Normandin ouvre, donc les novices de Normandin commencent aussi. Donc, d'ici deux semaines, les équipes devraient toutes être formées. Okay. Les saisons toutes commencées. Hey, c'est incroyable comment ça va vite. Là. Puis les petites ligues, ça n'a pas donné avec vous autres. Hein? Non. Pas, okay. Pas encore. Ça veut-tu dire que vous allez avoir encore, ça? Non, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas si un jour ça va... Ça va se jumeler, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. OK, c'est une belle initiative. Donc, David, on va faire le tour, oui. on va faire le tour quand même au cours des prochaines semaines de tout. Et un peu comme on fait avec Robert Val, on va le faire avec Delbeau aussi. Oui. Ça va être pas mal le fun à tous les mercredis ou jeudis. Oui, parfait. Le président du hockey mineur de Delbeau, ça, c'est David Lamontagne.